Au début des Internet, c'est pas compliqué, hein? Pour pouvoir entrer dans le cybernétique, fallait pédaler. Oh, oh, hey! On rit bien, mais c'est pas drôle. Aujourd'hui, le lundi 12 octobre 2020, monte le volume et hume la différence. Car c'est parti, mon kéké! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Now, the ballad of the question. What keeps mankind alive? You gentlemen who think you have a mission to purge us of the seven deadly sins should first sort out the basic food position, then start your preaching. That's where it all begins. You lot to preach restraint and watch your waist as well should learn for once the way the world is run. However much you twist or whatever lies you tell, food is the first thing. Morals follow on. So first be sure that those who are now starving get proper helpings when we all start carving. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that millions are daily tortured, starved, silenced, and oppressed. Mankind can keep alive thanks to his aptitude for keeping his humanity repressed. And now, for once, you must try to face the facts. Mankind is kept alive by bestial acts. And for once, you must try to face the facts. Mankind is kept alive by bestial acts. Vous comprenez? C'est assez simple, ça, c'est William Burroughs. Hey, à l'époque, là, on va revenir à Internet et William Burroughs, on l'adore, surtout sa voix, son imaginaire et sa personne tout entière. Oh, là, de William Burroughs, on saute au cybernétique. Effectivement, moi, j'aime bien le fait que tu soulignes avec en caractère gras le fait qu'à une certaine époque, se rendre sur Internet était presque une aventure extraordinaire et maléfique, horrible, dépendant si on pouvait se brancher ou pas. Moi, je vais te raconter un peu l'époque où j'aimerais... est-ce que je peux avoir un peu d'aigu, s'il vous plaît? Merci. Non, ça, c'est... Ouais, ouais, comme ça. Ça, je préfère ma voix de même parce que l'autre, on dirait que je rentre dans un... Oui, dans un bas de nylon et je veux en sortir le plus rapidement possible. Ça pue, il n'y a pas d'hygiène dans un bas de nylon. Heureusement qu'il y a des petits trous. Ça fait que, non, mais si dans le cybernétique, un jour, il pouvait... quand on ouvrait notre ordinateur, c'était une aventure de chaque instant. De un, est-ce que le DOS va embarquer sur le Windows? Hein? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Il fallait avoir un DOS pour que notre ordinateur se mette à rouler et à sélectionner le Windows. Puis là, le Windows, là, c'était pas le Windows 10, là. C'était le Windows tout nu. Puis en hiver, c'était pas chaud, fallait réchauffer ça, là, hein? Ça se réchauffe pas de même, un Windows. Fallait fermer le Windows. The Windows. Mais sans le fâcher, parce que s'il décidait de plus répondre, il y avait une marque d'erreur. C'était signalé, là, attention, reculez, no paniquez, aspergez et priez. Priez de Dieu dans la lumière. Tu étais là à genoux, là, devant. Tu essayais de communiquer avec ce qui n'existait pas, là, dans l'au-delà, l'eau de l'eau. Et moi, mon premier ordinateur, je l'ai payé à l'époque. 1 000 $. Quand je dis à l'époque, c'est 84. C'était de l'argent, 84. Mais avant même ça, c'était mon premier ordi neuf. Après, ben avant, je me suis procuré, comment t'appelles ça, donc, une seconde main, un ordinateur d'occasion. Puis c'était un CGA. CGA, c'est une seule couleur. EGA, il y avait 3 couleurs. Puis VGA, là, tu l'avais, la couleur. Hey, c'était exceptionnel, là. C'était la limousine de la couleur. Mais j'ai commencé, bon, CGA. Et je pouvais même pas aller sur Internet avec ça. Donc, je faisais des petits jeux en basique. C'était pas si basique que ça, là. Il fallait mettre, exemple, un espace print, ouvrir les espaces, ouvrir les guillemets. C'était un travail fou. Puis je me souviens que j'avais travaillé pendant 4 heures pour faire un petit lézard avec des zéros et des 1 et tout ça. Et puis j'ai manqué d'électricité 4 heures après. J'ai dû tout recommencer. Mais c'était du plaisir. J'étais un enfant, là. Quel âge avais-je? J'avais entre tes... j'avais à peu près 14. Non, moins que ça. 14-15. C'est tellement vrai que avant de me consacrer aux ordi, j'étais un érudit de fusées miniatures. J'ai gagné des prix un peu partout. Je veux pas non plus me tirer des pots et recevoir les fleurs. Mais, c'est l'inverse. Peu importe. Alors moi, là, je suis rectum versum. Il n'y a pas de problème avec moi, rectum vertum. Tu me dis, Renan, je dis oui, on y va, ben on s'amuse. Ça fait que là, moi, ce qui est arrivé, c'est que... pardon. Je saute du cogne à... Oui, j'ai bien dû. Est-ce que c'est... Avons-nous encore le droit d'aller à travers des sentiers? Encore là, je ne suis pas certain. Idéologique. Sans se faire frapper le bout des doigts. J'espère que oui. Pour notre avenir, notre liberté. Et madame, mademoiselle, monsieur et les autres, pour notre légitimité. Légitimité, moi j'utilise toujours des mots que je comprends pas. Légitimité, ça vient de quoi? Ça vient de léger et mince. Deux doigts de mayonnaise. Mets ça sur une plaque chaude hein, pour faire fondre le gras. Parce que sinon, hey... tu manges ça à tous les jours, tu risques de... Tu prends de l'assurance au niveau du gras, là. Le gras ne te remerciera jamais assez de cesser ce genre de... d'ingestion. D'indigestion, ben c'est sûr qu'au bout du compte, hein, quand le bouchon est là, attention, ça va remonter. Ça fait que, pour parler d'Internet, premier ordinateur neuf, je l'ai acheté, je dirais pas où. Et 1000 $ à peu près. J'avais un graveur. Et là, on riait plus parce qu'avant, moi, là, j'avais les disquettes molles. Tu sais, pas la dure, la molle. Ah, c'était tellement mou, tu savais pas par où prendre ça. Tu sais, c'était comme une pâte qui était pas cuite. Là, tu rentrais ça dans l'unité de disquettes. Tu refermais le rabat. Là, moi, c'était 360 mégs. Il y en a même qui étaient rectum versum. On est dans le rectum versum aujourd'hui, là. Avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué, mes amis, il y a du rectum versum. Oui, on retourne, un peu comme la crêpe. Et l'autre côté aussi, on pouvait écrire, mais moi, j'avais juste une face. Encore aujourd'hui, j'ai pas de double face. Quoique, j'ai bien des personnages à l'intérieur de moi, mais c'est des gens qui me ressemblent ou qui ressemblent à d'autres que je connais. Que je nommerais. Ben oui, je les ai déjà nommés, voyons donc. Il y a Raymond, il y a Rita Bibelot et toutes les. Qui vont venir ce soir? Rita est là derrière sa console. Oui, elle se. Elle mouche. Elle veut pas aller à la pêche, mais elle mouche. Ah, elle aime pas ça. Tu sais, prendre le verre, là, puis le rentrer dans l'hameçon, là. Elle a peur. Elle trouve ça. La phrase qu'elle dit, c'est dégueulasse, Vera. Elle dit tout le temps ça, Vera. Je sais pas pourquoi. Vera, c'est pas bon, Vera. On va commencer, Vera. On va, Vera. Mais là, à part de même, en vrai. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il voulait vous dire, l'insignifiant, par rapport de... Ah oui, ordinateur! J'avais mon CD, qui n'est pas des CD, même je l'ai encore. C'était de la marque... Non, ça existe encore, je crois, la... On peut pas nommer. Rita, on peut te nommer, mais... Non, c'est... Oui, Bibelot, on n'est pas gêné de dire nom et prénom. Mais quand c'est des marques, on... Mais c'est pas très connu. Mais ça vient encore. Tu sais, je l'ai sauvé. J'ai jeté la trame, le squelette, mais j'ai gardé l'intérieur. Tu sais, le cœur, le disque dur, le CD. Mais c'est d'une lenteur. Ça faisait 2X. Moi, je préfère le 3X. Hein? Ah, 2X, c'était à peine. Ils étaient déshabillés, mais pas trop. Ils gardaient leur bas. 2X, tu gardes tes bas. 3X, t'en as plus. Ça fait... C'est long, là, hein? Brûler, parce qu'on dit pas graver, ça grave pas, ça brûle. Brûler, moi, j'étais brûlé à force de l'avoir travaillé. Je dis, ah oui, vas-y, j'encourageais. C'est comme un enfant, tu sais, tu veux pas le décevoir, même si on savait que c'était lent, long et pénible. Puis j'ai jamais vu de boucan. On dit que ça brûle, mais je sais pas d'où ça brûle quoi. Pas de boucan. J'étais là, à chaque fois que je mettais un CD, il y avait pas de DVD à l'époque. Ah non, là, c'était rire du monde, le DVD. T'entrais pas non plus de cassette VHS. Ça séchait là. Puis quand ça sèche, ça se dessèche plus, hein? Ça ratatine. Encore pire, ça coupe à force d'être trop sèche. Me suivez-vous, vous? Pas vrai? Bon, L'autre arrive. C'est une bonne blague. Et puis, donc, CD. Ah oui, là, je priais tout le temps en disant. Rends-toi, j'encourageais. Rends-toi à la fin. Vas-y, plus vite. Vas-y, plus vite. Je dis, voyons donc, on n'est pas en train de faire des. Hein? On n'est pas en pleine. Non. Prends ton temps. Sois zen. Si tu te sens à l'aise hein, de me graver trois chansons à MP3 en 20 minutes, prends ton temps. Juste télécharger. Ou non, tu vas sur un site, voir une image. C'était long. Puis te brancher sur Internet, les sons que ça faisait, là, ça faisait peur. Tu dis, voyons donc. L'ambulance va arriver, les polices, les... Non. Et heureusement qu'il n'y avait pas le confinement, parce qu'ils seraient occupés beaucoup plus à se rendre sur place pour voir qu'est-ce qui se passe quand la personne a la chienne. Je sais pas, là, je vous appelle, là. Il est 2 h du matin, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai voulu aller sur Internet, ça fait... Il doit y avoir un démon à l'intérieur. Pouvez-vous m'envoyer l'escouade canine avec 2-3 policiers? Ou l'inverse, s'il vous plaît, le plus rapidement possible. Je crois qu'ils vont sortir de mon ordinateur, puis je sais même pas si je vais être vivant si vous sonnez. Si vous sentez personne, si vous entendez pas de bruit, défoncez, s'il vous plaît. Essayez de m'y aller. Puis j'ai laissé quand même, je vais vous dire, là, je me suis assuré. Je me suis assuré de m'assurer. En tout cas, vous allez avoir de l'argent. Je vous ai donné un petit peu de sous là, pour celui qui va me laisser hein, renaître. Puis si vous n'êtes pas capable, ben, j'ai tout donné ça aux petits pauvres, petits frères des pauvres, les religieuses, les curés, tu sais, les gens qui ont besoin d'argent, là, puis c'est épouvantable, s'il vous plaît, de plus en plus, c'est le qui me fait peur, moi, ça, c'est, est-ce que c'est, y a-tu eu la rage, est-ce qu'ils ont maîtrisé, y a pas eu d'injection, contre est-ce que ça pourrait me donner ça, moi, ça crache-tu, cette affaire-là? Il y a plein des questions là, que je me pose. See the shark with teeth like razors. And he wears them in his face. And MacHeath has got a knife, but not in such an obvious place. Now see the shark, how red his fins are, as he slashes at his prey. Oh, Mac the knife wears fancy gloves, which give the minimum away. By the Thames, turbid waters, men abruptly tumble down. Well, is it plague or is it cholera? Or because MacHeath's in town? On a shining sky blue Sunday, see a carp stretched in the strand. We'll see a man dodge round the corner. Maggie's friends will understand. And Schumacher, posted missing, well, like so many wealthy men. Well, Mac the Knife acquired his cash box, God knows how and God knows when. Oh, Jenny Towler turned up lately with a knife stuck through her breast, while MacHeath walks the embankment nonchalantly unimpressed. Where is Alphonse Galit the cabman? Well, who can get that story clear? Well, someone may lay information, but MacHeath has no idea. Oh, no. And the child bride in her 90s, whose assailants still at large, violated in her slumbers. Mackie, how much did you charge? And that ghastly fire in Soho, 7 children ready go. In the crowd stands Mac the Knife, but isn't it and the crowd stands back the knife, but he ain't asked and he don't know. Il fait beau dans votre cœur. Il fait beau dans votre tête. Il fait beau dans votre vie. Bravo, continuez. C'est ce qu'il faut. Quand il faut, il faut. Vous savez, dans notre vie respective, quelquefois, on croise des personnes. Quelquefois pour longtemps ou souvent très rapidement, instantanément, ils partent. Il nous quitte, quelquefois heureusement. Donc, moi, je vais vous parler de ceux que l'on appelle les petits Joe connaissants. Et dans mon milieu de travail, il y en est arrivé un. C'est tout. Il sait tout, là, oui, il a tout vécu. Et mon Seigneur, il a été dans le... À quel endroit, tu sais, voir les Anglais. Là, il parle anglais, il crache en anglais, il parle en anglais. Tu dis, t'es au Québec, parle en français, mon petit enfant. Puis là, il a tout vécu, lui, là. Hey, il a été moucheron, creton, mayonnaise, ketchup. Il manque juste qu'il soit religieux bientôt. Ça fait que, là, je lui parle en blague. Je plaçais, parce que moi, je travaille, je vais vous dire, mon premier boulot. Dans le milieu, on dit alimentaire. Ah, c'est alimentaire, il faut que je mange des aliments, moi, là, là. Ah oui, ah oui, ah oui, avec ce travail-là, là, je peux pas aller au cinéma. Je peux pas aller danser, je peux pas aller les voir. C'est alimentaire, uniquement alimentaire, juste pour m'alimenter. Ah ben, c'est ça qui est écrit, hein? Moi, je suis la lettre. Et je la suis à la lettre. Je suis la lettre, cette belle, belle lettre, avec des mots que je ne comprends pas, et qu'elle me laissait seule avec tant de mots. Je suis la lettre, t'entends, je suis la lettre. Je ne veux pas m'envoyer par le courrier, car j'ai peur de me relire. Ah, je suis complètement la lettre cernée de tous les mots. T'entends, je suis la lettre. Bon, et quand tu rencontres ces genres de fanfarons-là, tu parles des tijos connaissants, ben, tu t'abreuves à autant de pollution sonore. Puis, à un moment donné, je travaille dans, je vais vous le dire, je fais comme travail, je suis épicier. Oh, j'épice tout le monde. Oh, je baisse la braise, j'épice. Non, épicier, pas pisser, là. Épicier tout. Ah oui, donc, je vends des produits, des aliments. Beaucoup d'aliments. Donc, mon travail alimentaire, c'est de vendre des aliments. Y a-t-il un suivi intellectuel là-dedans, Mme Thibodeau, s'il n'y en a pas? Y a-t-il une ligne médiane? Il est fâché. Quand il est fâché, il frappe sur le... Écoutez bien ça, qu'est-ce que ça fait. Hein? Y a-t-il une ligne médiane? Y a-t-il un fil conducteur? Hey, méchant. Là, vous vous dites, allez, voisin. Regarde, il n'y a pas de voisin. Je suis tout seul, moi, là. Personne ne veut vivre avec moi. Je suis intolérable. Non, OK. Mais, t'entends, je suis intolérable. Bon, c'est ça. Et puis, donc, je plaçais des œufs. Et en blague, je disais à cet individu... ah oui, hey, les œufs, ça sort du trou de pète de la poule. Il dit, mais non, c'est pas du trou de pète. Mais non, mais c'est une blague, trou de pète. Mais non, ça sort pas. Mais je sais que ça sort pas. C'est juste un côté enfantin pour me faire rigoler. Peut-être même que tu abordes quelquefois sur ton visage, même si on le voit pas. Mais non, parce qu'on peut pas le voir. On est masqué. Il est là l'ennemi, il est là, il est là, il fait peur, oh, oh, oh. Il est là l'ennemi, il est là, il est là, il est là, l'ennemi, il est là. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Was sent to the soldier's wife from the ancient city of Prague. From Prague came a pair of high-heeled shoes with a kiss or two. Came the high-heeled shoes from the ancient city of Prague. Soldier's wife from Oslo over the sound. From Oslo there came a call of fur. How it pleases her little call of fur. From Oslo over the sound. What was sent to the soldier's wife? He got her a hat, she looked sweet in that. In the little Dutch hat from the world of Amsterdam. What was sent to the soldier's wife from Brussels in Belgian land? From Brussels he sent a lace so rare to have and to wear. Oh, those laces so rare from Brussels in Belgian land. What was sent to the soldier's wife from Paris, city of light? In Paris he got her silken gown. 'Twas ended in town, oh, a silken gown from Paris, city of light. What was sent to the soldier's wife from the south, from Bucharest? From Bucharest he sent her a shirt embroidered in pert, that Romanian shirt from the south. The soldier's wife from far off Russian land. From Russia there came just a widow's veil. from a death to be wed in a widow's veil from the far-off Russian land. Merci, pas besoin d'aide. Je voulais... Merci, merci. OK, oui. Mais je voulais simplement vous faire entendre un message que j'avais reçu hier. Et depuis à peu près 2 semaines, c'est un enregistrement en chinois. Je sais pas ce que les Chinois veulent me dire. Arrête d'acheter chez nous! Ils doivent me dire ça. Arrête d'acheter chez nous! Parce que souvent... Non, tout le temps... Quand ça tombe sur ma boîte vocale, c'est écrit « urgent ». Mais là, vous savez, avec ce qui se passe actuellement, là, je me dis « voyons donc, c'est quelqu'un qui veut... » « Ah non, on est dans... » »« Ah, là, je suis au travail, donc je me cache. » »« Je prends le message. » »« J'écoute. » Puis là, ça commence. « C'est comme ça. Fait que je me dis, voyons donc, ouais, qu'est-ce qui se passe? Où est le mental dans le fond du short? Fait que je vais revenir avec mes œufs. Alors, moi, je mets toujours mes œufs dans le même panier. Ben, ça prend moins de place. Ça se casse, mais c'est pas grave. Après ça, ça fait quoi? Ça fait comme moi, des omelettes. Des omelettes! Comprends-tu? Non, OK. Non, il faut réécouter depuis le début. C'est ça, votre souffrance universelle, c'est de reprendre. Bon. Et moi, je travaille avec un insignifiant. Et je disais en blague, en plaçant les œufs, ah, ça sort par le trou de pète, des poules. Il dit, ah non, c'est pas ça. Là, à un moment donné, quand j'ai vu qu'il croyait que sérieusement, je m'imaginais que ce produit parvenait par cet orifice. Là, j'ai dit, mais non, hey, je le sais, moi, là, d'où ça vient. Ça vient de l'œuf-rifice. Il n'a pas compris, je dis, oui, œuf-rifice. Comprenez pas. Je dis, OK. On va rester terre à terre. On va s'endormir dans cette convention, hein? C'est ça le terre à terre, c'est qu'on va pas plus haut, non, on va pas plus haut, pas plus loin, on sur le plancher des vaches. Puis la poule, oh yob la poule, oh yob le coq, oh yob le nord, oh yob le sud, oh yob l'est, oh yob l'ouest, on reste au ras le sol. Ras le sol. Moi, le ras le sol, j'en ai rien à faire. Je pensais que j'allais dire une phrase ordurière ou un mot ordurier. Il n'en est rien, peuple, ami, sécarélien, sécarélienne, ne craignez pas. Je maîtrise la situation. Pour une fois. Car il est rare qu'il m'arrive de le faire ainsi. Alors, donc, juste après ça, ben, j'avais pas le mot exact pour dire d'où parvenaient les œufs et comment se faisaient les œufs. On sait comment se font les bébés, hein? Comment ça se fait un bébé? Je le dis souvent, c'est la cigogne. Bon, ça, ou c'est la fleur, ça dépend. Y en a-tu d'autres? Ah, le chou, ouais, mais le chou, j'ai jamais compris ça. Quoique Gainsbourg, lui, ça a été dans le chou. Puis il a fait là ma tête de chou, c'est excellent. Mais ça fait péter un peu. Surtout dans la soupe au chou, avec Louis de Funès et puis Jacques Villeray. Oh, y a-tu des références à soi? Y a tout le monde. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Ça tourne, hein? Ça tourne. C'est sûr, c'est la Terre. On est sur la Terre et ça tourne. Et Saturne s'amuse. Ah oh, oui, puis j'avais dit aussi une bonne blague. à cet insignifiant, à ce Joe connaissant, j'ai dit non, mais si on en aura le bol d'être ici sur Terre, on va tourner autour de l'anneau de Saturne. Il dit on peut pas. C'est comme ça, on peut pas. C'est une blague. Non. L'anneau est pas solide, elle est molle. C'est pas ça que je te dis, là. Moi, je te crée une image. Je te crée une sorte de métaphore intellectuelle. Une métaphore, c'est un jeu de mots, je le sais. Je le sais. Mais là, écoute bien. Imagine-toi faire du vélo autour de l'anneau de Saturne. Ah, c'est impossible. Mais je sais que c'est impossible, mais... Laisse-toi un peu. Lève la soupape. Non, c'est mou. L'anneau est molle, Ben oui, OK. Reste dans le mou. Ta blonde va aimer ça. Puis en plus, il y a un enfant. Monsieur, ça transmet. L'idiotie amène l'idiotie. J'espère que l'autre sera mieux que l'autre. Moi, je me dis que ça n'a rien à voir. C'est pas parce que ton père était comme ça que toi, tu vas l'être. La preuve, moi. Mon papa, il était un gars insensible. Qui pleurait rarement, qui donnait pas beaucoup d'émotions, c'était les années 60, fin des années 60. Et puis moi, je suis tout le contraire. Pleurer. Hey, ça serait, ouais, on l'a déjà fait, hein, pleurer, peut-être dans un film ou. Non, dans une chanson, pleurer. Donc, j'ai pas peur de dire que les œufs, ça vient. Les poules, mes petites poupoules. Papa poule. Paul, reste là. Calme-toi. Ovule. Il peut pas, ben non. Quoique dans mon monde, il peut, lui. Même si t'es un gars, il peut ovuler. Ovule. Ovide, plouf. Ovule-moi donc ça, ce soir, là. Au lieu de courir les jupons. Ovide. Dis-moi donc, Ovide. Qu'est-ce que ton œil vide veut me dire? Que la poule extirpe ses œufs par l'oviducte? Je te surprends. Hein? Et quand je dis ça, ma bouche fait un peu comme l'œuf qui veut sortir. Oviducte, c'est le trou par lequel l'œuf sort. Ben oui, parce que ça vient d'ovule. Puis ducte, voyons donc, ducte. Je suis éductoré. Puis moi, là, ce que je me demande, là, c'est bien beau que tout ça sort par ça. Mais comment ils font pour placer la date? Parce que quand tu regardes un œuf, il dit expiration, exemple, 2 juillet 2021. Ben, voyons donc. La poule, est-ce qu'il place un tampon, puis à chaque fois, ça sort, puis ça imprime? Là, si le petit Joe connaissant pourrait entendre ce que je balance là, sans doute, sa tirade serait aussi imbécile que l'être qu'il est, dans le sens que... Ben, écoute, c'est pas ça qui se passe, là. OK? La poule, ovule... Ça sort par son oviducte. Puis après ça, il y a un humain qui prend l'œuf. Puis qui place une petite étampe dessus. Ouais, mais ça, c'est une platitude incroyable. Ta vie est-elle aussi sans relief que le discours que tu me portes aux oreilles depuis autant d'insignifiance? Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, we must die. Oh, moon, we now must say goodbye. We've lost. pretty boy. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next pretty boy. For if we don't find the next pretty boy, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Ce que je voulais vous dire, donc, plein de choses, mais un autre thème avant de passer à mon invité, parce qu'il a vraiment quelque chose à dire, et c'est la suite de la semaine dernière. Donc, tout le monde est sur les dents ou attend les phrases sur le bout des lèvres. Pendant ce temps-là, j'essaie de... OK, c'est la dose, sans doute. Est-ce que c'est la dose, vraiment? On va mettre la dose, OK. Et non, c'est à l'interne, mais normalement, ça reste... souterrain. Mais moi, j'aime bien tout dire. J'ai aucune cachette. On voulait placer la dose. On a placé la dose. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas... on joue pas au billard, Madame Tremblay. Non. C'est la pièce ou la plage dose. Vous voulez que... Oui, l'album, c'est September Songs avec un S, s'il vous plaît. C'est en fait beaucoup de personnes qui rendent hommage à Cold Wild. Mais c'est pas notre intérêt, quoique ça... intéresse vivement certains auditeurs, peut-être la majorité, mais Jérôme est attentif à ça. Là, on rentre dans son domaine. Là. Oh là là là là là là là là là. On est dans son monde, comme on dit. Mon monde, c'est son monde, lui. J'ai une belle sœur. C'est pas de ma faute, là. Tout le monde fait des erreurs. Et ma belle sœur, elle, a un frère. Là, ça va loin. Moi, déjà là, je suis mêlé. Moi, à part le père, la mère, les enfants, le grand-père, l'arrière-grand-père, ça s'arrête là. Tu sais, la belle-sœur, la misère, là. C'est, il faut me dire que c'est la fille du bon. Tu sais, je bloque un peu. Ça fait que c'est pour ça que je zigzague pour arriver à quelqu'un qui n'existe pas. Et si tu n'existes pas, dis-moi comment j'existerai. Ça, c'est la garlotte. T'as même ça? Ouais. Ah, ben là, frappe pas la garlotte sur le micro, mon champion, là. C'est pas de l'amateurisme, c'est... OK. Ah, excusez. Ça doit être un début de COVID. J'ai eu deux fois, pourquoi pas trois? Hein? Jamais deux sans trois. en tout cas, il y a une jeune fille de 19 ans qui, elle, a un talent fou. Et plus tu la regardes, après le changement qu'elle peut faire, ça devient flou. Vous allez tout comprendre. Quoi que ton émission, depuis le début, c'est pas mal, c'est possiblement flou. Mais on s'en floue. On s'en floue, c'est bon. C'est, mais on va prendre ça en note. Rita prend ça en note, on s'en floue. On... Ben, on, pas ONT, là, c'est pas tout le monde, c'est on, comme tu dis, on s'en floue. Sans, c'est S apostrophe E, mon dos. Flou, F-L-O. Hey, wow, pas là pour te dicter, moi, là, je suis pas ton professeur. C'est toi qui dois prendre des notes. Mets-toi pas à pleurer. Mais tu pleures. Tu pleures, Rita. Ça n'a pas été là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils comprennent, ces Américains, à part le rock et le twist, hein? Marita, qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais devenir Rita, la Rita Biblou des États-Unis d'Amérique? Ah ben non, tu ne sauras jamais. Elvis a pris ta place. Lucien Boyer aussi. Sanita de Butcher. La belle Sanita de Butcher qui faisait des prises de dos avec Samuel de Champlain le soir avant de se coucher. T'as jamais... Non, dans les... Non, on raconte pas ça dans les livres d'histoire, voyons donc. C'est de l'intimité que je te dis là, moi, là. Là, j'étais un livre ouvert à la page 69 depuis le début de ma naissance. Non, surtout à partir de 14 ans. 14 ans, hey, monsieur. J'étais souvent à page 69. Et elle décollait plus. Elle restait collée. Il y avait des images, des phrases, des mots. Oh, bon, c'est même pas... On peut pas... Ouais, comme je le dis, c'est pas disable à radio. C'est pas disable. Pardon, Dizab. Ouais, Dizab aussi, il est très heureux. Là. Hey, depuis deux semaines, il s'est marié. Ah oui, là, il consomme. Il consomme. Oui, puis cette fille-là, on va revenir à nos moutons. Désolé, bergère, j'aime pas les moutons. Qu'ils soient pure laine ou en shampoing melon. Oh, ça, je l'aime. Prends garde à... Prends garde à te garder, bergère, un jour tu vas bêler. En parlant de bêler, elle a bêlé. C'est parce que pendant le mariage, cette fille-là de 19 ans, parce qu'elle avait 19, elle a toujours 19, elle va avoir 20 ans bientôt, là. On va la fêter, faites-vous-en pas. Une méchante surboom. On va vous faire une surboom, les amis, une surboom. Avec de la disco et des chansons à répondre pour les gens qui se posent des questions. Mais ça, c'est pas le but premier de mon intervention sur ce qu'elle a fait. Bon. Elle a pris sur quelqu'un qui a eu un grand succès dans les années on ne sait pas quoi et qui s'appelle Jesus. Connaissez-vous Jesus? Jesus. Pas Jésus de Saint-Exupéry, madame, c'est Jésus de Nazareth. Pardon? On va le dire, on zigzague, là. Jésus de la Jaza, quand la Jaza va. La Jala, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, bon. Pas facile à dire, ça, quand c'est zigzag de même, hein? Zigzag, grande dent, allez pour les prudents. Non, c'est pas... Zigzag, grande dent, tant pis pour les prudents. Zigzag, bien visé, c'est le temps de s'amuser. Puis moi, j'avais fait pour CKRL. Attendez un peu. Et ça, ça me remémore des histoires, celle-là. Attends un peu. C'était quoi mon... Parce que je fais beaucoup de liens avec CKRL. Dans ma vie, ben, ça fait partie de mon cœur, CKRL. CKRL. J'avais fait quelque chose là-dessus, mais m'en rappelle plus. Comme d'habitude, je ne ferai pas celle de Claude François, comme d'habitude, qui est devenue My Way. Je ne la ferai pas. Parce que je veux vous parler de cette sublime jeune fille de 19 ans qui s'appelle Anemone. Lemon. Non, on ne l'invente pas, c'est Anemone Lemon. J'ai rien à voir avec John Lennon. Ça, c'est John Lennon, elle, c'est Anemone Lemon. Lemon. Lemon Incest, je me mets pas là-dedans, madame. Non, ça n'a rien à voir avec Serge Gainsbourg et Charlotte Gainsbourg. Non. C'est Lemon, oui, bon. Et puis, je nommerai plus son nom. ni son prénom. Ça reste là. Cette jeune fille, on va la nommer cette jeune fille, d'accord? On va la nommer tant qu'on peut. Il faut la faire vite, hein, mon doux. On pourra pas... OK, on va changer de chanson d'abord. Parce qu'elle est trop longue. Non, mais pas elle. C'est pas elle. OK. Elle était dans un mariage. Puis Jesus de Nazareth avait changé l'eau en vin. Puis elle a dit, oh non. C'est en vain. Hein? Oh, en vain. V-I-N-T. Elle a fait le contraire. Puis là, les convives étaient complètement cons! Scientisés par son côté biologique. Elle dit, oh non, le vin, c'est pas bon pour la santé. Ça fait tourner les têtes. C'est pas sa voix, là, parce qu'elle dit, non, je suis très conscientisé, hein. Oh, le vent fait tourner les têtes. Donc, je vais changer le vin en eau. Elle a changé le vin en eau. En eau. O-O-E-A-U. Non, pas. C'est la liaison, madame. Elle a changé le vin en eau. Là, ça fait bizarre, vin en eau. Ça fait comme histoire d'eau. Hey, monsieur, avez-vous vu ça, histoire d'eau? Elle doit jouer là-dedans, elle a joué là-dedans, elle va jouer là-dedans, elle joue là-dedans, elle s'enrobe là-dedans, l'histoire d'eau. Ah, mon dos. Oh, papaye. Histoire d'eau. En tout cas, elle a changé le vin en eau. Et là, les convives étaient de plus en plus cons parce que ce qu'ils voulaient, c'est pas boire quelque chose de flat. De sans goût, sans relief. C'était de quoi? D'avoir des pétillements cérébraux. Un pétillement cérébral. Des pétillements au niveau de la cervicale. Ça va être plus facile de même. Conjugaison, moi, là. Écoute, j'ai pas mon dictionnaire devant moi. Et puis, je me sens aussi épais qu'un Larousse et un Robert. Illustré ou pas illustré. Illustre pas ça, là. Ça vaut pas la peine, madame. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle a eu une chance unique. Puis on appelle ça quoi? Un don. Elle a eu un don. Tout ce qu'elle amène dans son cerveau arrive dans la réalité. Puis là, à un moment donné, je suis allé la voir. Je dis, écoute bien. Peux-tu me faire quelque chose de beau sur moi? Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Oh, yeah. Salvation, our precious city has been spared. The storm has passed and vanished above us. The storm has ended, and death steps back into the waters once more. Oh, heavenly salvation. Oh, heavenly salvation. Oh, heavenly salvation. And vanished above us, the storm has ended. Aujourd'hui, le lundi 12 octobre 2020, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. oublions les embarras familiaux. Oublions les embarras familiaux. Attends un peu, là. Hey, tu me mets, toi, là. Non, mais c'est la chanson, c'est la chorale de gospel qui me... Aujourd'hui, le lundi 12 octobre 2020, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement, non, dans un environnement narratif, dans un univers narratif, dans une enveloppe narrative, unissons-nous autour de notre ami pour faire la suite de la semaine dernière, notre ami Jérôme Marin, un être extraordinaire que j'ai adoré rencontrer et qui fait quelque chose de sublime. Donc, offrons-lui cette plage maintenant à CKRL. Voici l'artiste et j'espère te revoir très bientôt. C'est parti! Avec des envolées lyriques. C'est une très belle chanson qu'on va vous faire ce soir. Vous aimez les belles chansons? Oui. Le bon maréchal nous a dit, amour, travail et puis patrie, que chaque année au mois de mai, il nous fallait te célébrer. Ma bonne maman, je m'exécute, sans ornement ni parachute, d'un air badin et presque enjoué, je m'en vais ainsi te fêter. Toi, ma jolie petite maman, que j'aime fort, que j'aime tant, je t'offre mes plus beaux baisers et mon petit cœur à jamais. Toi, ma jolie petite maman, ton amour ressemble au roman, à épisode il est fluctuant et ses puissants rebondissements. Que tu m'as bien élevé, toi qui très tôt su me confier au cœur séché d'une bonne sœur qui me gâta de coups de pleurs. Les rares moments près de toi, de cris de râle, tu les comblas, me répétant presque tout le temps que je n'étais qu'un accident. Tes baisers, je les ai comptés, ils étaient secs et obligés, suffit bien vite d'une demande ou bien d'une copieuse réprimande. Chérie, te voilà seule et tu t'ennuies, et tu me chantes tous tes regrets de n'avoir pas su bien m'aimer. Il était temps, tu vas crever, alors pour toi qui fus ma mère, sans remords ni paroles amères, je vais une dernière fois chanter. Dust là qui fait un travail démentiel pour préparer ses présentations, faire que ça soit ça paraisse pas écrit mais que ça soit improvisé, et moi qui suis vraiment un gros feignant qui oublie la moitié des choses parce que je fais tout au moment et au machin. Alors mais aussi ça raconte, c'est ça, il y a des choses qui sont amusantes parce que là, j'ai des copains qui suivent mon travail, qui viennent, s'appellent Thierry et Grégory. Ils ont fait des badges avec une photo de Monsieur K avec marqué alors, parce que Monsieur K, quand on faisait des présentations, il dit alors. Et c'est devenu un truc, c'est devenu. Donc toi, quand même, je suis conscient de ça. Donc je garde des petits trucs et puis j'en fais d'autres. Mais là où Monsieur K il est très fort, c'est. dans l'accueil public, dans le maillage. Moi j'adore, avant que le spectacle commence, rencontrer les gens, avoir des gens. Monsieur Carr, d'avoir une connivence avec eux. Et préparer aussi. Un nombre de secrets. J'ai décidé maintenant que quand on ouvrait la grille, je faisais la bise à tout le monde. Oui. Ça n'aurait pas été le cas de Monsieur K en 2001, par exemple. Il aurait renvoyé chez tout le monde. Mais là... Il a évolué. Il a évolué. Mais par contre, il y a toujours de la vacherie. Hier, j'ai pris un malin plaisir à aller fumer à chaque fois dehors et de passer à côté de la queue des toilettes. Et de dire... c'était... Ah, de la patience, nanana, et puis de faire juste... Ah ouais, les gens, ça les faisait marrer, mais à la fois, ça les agaçait parce qu'ils avaient envie d'avoir pissé. Donc tu vois, il y a un côté peau de vache et tout ça. Ou alors... Ils prennent l'espace et... C'est un espace de jeu. Ils prennent l'espace de jeu. Aimes-tu son évolution? Aimes-tu ce qu'il est devenu? Oh oui, je crois. Ouais, je crois. Ouais. J'adore Monsieur K avec la jupette, là. Je me régale. Est-ce que Monsieur K a certainement évolué, mais est-ce que Monsieur K peut encore évoluer? Mmh. Est-ce qu'il vieillit avec toi ou s'il reste avec un âge précis? Pour moi, il est intemporel, comme moi. Effectivement. Non, il peut encore évoluer. Bien sûr. Et comment tu travailles cette évolution-là? Est-ce que c'est spontané ou graduel, sans trop te poser la question, sans trop te prendre la tête, ou tu te retrouves avec des amis ou des gens qui l'ont évolué et tu te dis, bon, ben là, par où on va le... Non. Là, par exemple, je ne supporte plus mes habits parce que je les ai trop portés, j'ai pas le temps de m'en occuper. Okay. Là, je sais que je vais faire un travail de reconception de matière, costume. Ok, le costume. Et tu fais faire ça par des professionnels ici, à Pia, parce que non, toi-même. J'ai eu la chance, pour deux costumes de Monsieur K magnifique, d'avoir été accompagné par des élèves costumières. On fait deux costumes magnifiques. Mais sinon, c'est du bric et du broc, okay, pour la plupart du temps. Et puis moi, là, j'ai envie de reprendre l'aiguille. Donc, je vais travailler moi-même mes petites affaires. Non, mais quand j'étais drag queen, c'est moi qui faisais mes costumes. Donc, okay. Et on m'a proposé mardi soir de me faire une jupe. Je suis ravi. Et après, les chapeaux, le nouveau chapeau de Monsieur K, c'est un cadeau qu'on m'a fait. D'un talentueux modiste qui fait vraiment des choses absolument incroyables, qui s'appelle Kevin Auger. Donc ça, c'est un cadeau. Moi, je lui ai recommandé un chapeau, un bicorne orange pour Monsieur K. Donc là, c'est aussi une allure complètement différente. Ah, je sais pas. Mais là, on va retravailler sur des choses. As-tu mis de côté ton côté de la couche ou il peut revenir? Ah ben, il revient là, en ce moment, ce qu'on fait... Avec la Biberta, on fait l'ethnie bio drag queen en français. Donc là, je le travaille. Là, le prochain costume que je fais, c'est ça. C'est finir un ersatz de Monsieur K en fourrure. Okay. Oh, ok. Avec une redingote en fourrure. C'est redingote très cher, ces costumes-là. Ça pourrait me coûter plus cher. Ah oui, ça c'est certain. Et c'est des costumes que... Non mais j'arrête d'acheter parce que là il faut que je vende des mâles et des mâles de costumes, j'arrête d'acheter. Là, c'est ton côté de la queen qui prend beaucoup de costumes, parce que Monsieur K, il y en a deux. Il y a deux costumes de Monsieur K? Ben, c'est ce que tu disais. Non, il y en a plus. Ok. Non, il y a deux beaux costumes. Ok. Avec une redingote et les manches, avec les franges et tout ça. Il y en a deux que je mets plus beaucoup. Okay. Parce que dans les cabarets, jamais le temps de les repasser, que si j'arrive à fripper sur scène, c'est pas beau. Non, il y a eu la période kimono de chez Madame Arthur, que j'ai du mal à remettre. Parce que ça te rappelle trop le passé. Ouais. Et puis il y a le dernier, qui est vraiment un des derniers looks que j'ai fait chez Madame Arthur, avec le cuir élimé et le béret en faux cuir, qui me plaît beaucoup, beaucoup, avec la jupette. C'est comme ça que j'ai commencé à mettre des jupettes pour Monsieur K. Et donc voilà. Est-ce que tu te sens à l'aise dans ces costumes-là ou Oh oui. Ah oui, mettre un costume qui me plaît. Un costume, je le mettrai toute la soirée parce que j'ai décidé de le faire. Mais par contre, il repassera pas le lendemain. Hein. Est-ce que c'est le costume qui va faire la soirée, dépendamment? Non. Je ne me pose même plus la question. Tellement je ne supporte plus les costumes que je mets en ce moment. Je. Parce que tu veux te renouveler, là. Hein? Tu veux te renouveler? Ouais. Mais je vais pas imaginer un costume spécialement pour une chanson. Sauf le tablier de la bouchère pour la femme boucher d'Olivier Pie. Là, il y a le tablier. Mais tu ne changes jamais de costume. Tu restes toujours, quand tu es sur scène, tu ne vas pas te modifier. Tu peux rajouter. Ça m'arrive. Mais... Ah oui, oh, ouais. Ok. Alors tu amènes avec toi plusieurs costumes, ou tu sais jamais. Deux au minimum. Est-ce qu'il y a un public qui te suit? Des amateurs qui t'attendent au tournant? Ouais, je crois. Oui, je crois. Et puis je crois que je rencontre vraiment mon public là. Mmh. Parce que même chez Madame Arthur, hein, même si les uns et les autres t'aiment beaucoup, ils viennent pour la troupe de Madame Arthur. Oui, oui, oui, c'est pas juste pour toi. Ouais. Donc, là, il a fallu revenir. Il a fallu se reconstruire. Il a fallu réappâter. As-tu remarqué qu'il y a des gens qui te suivent après Madame Arthur? Un peu. Un peu. Mais là, j'en rencontre plein de gens nouveaux chez Martin, par exemple. Ça fait, là, c'est la troisième soir. Je rencontre des gens exceptionnels qui me disent « Ah, mais on a envie de te suivre, et c'est génial. » Quand je fais les choses à la Galerie US, j'ai le public qui vient quand je fais les choses à la Galerie US, mais qui ne viendront pas au secret. Et au secret, j'ai des amis qui viennent, oui, mais le gros du public, je ne le connais pas. C'est un public spontané. Non, c'est du bouche à oreille. Tu viens pas au secret pour... La méthode est un peu particulière, mais tu viens pas au secret par hasard. Et si tu viens par hasard, on sait très bien t'accueillir. Okay. Mais je vois. Je suis très vigilant à ça. Tu peux savoir si lui est là par hasard ou... Généralement, les gens ne viennent pas seuls au secret. Ah ouais, ouais. Et donc, rapidement... parce qu'on a quand même quelques fidèles clients. Ils prennent en charge, généralement, j'ai des personnes un peu isolées, je les mets avec des anges. Je ne veux pas qu'ils soient seuls. Est-ce que tu sens des fois l'urgence de prendre des crayons pour écrire des chansons? Tu as une mélodie, tu as quelque chose qui s'en... Ça m'est arrivé. Mais pas bien plus. En ce moment, j'ai pas le temps. T'as pas le temps, ouais. J'aimerais, hein. J'ai des idées dans la tête, mais... Derrière l'hiver de son bar, il erre aux pierres lourdes et lèvres violettes. Combattre cette peur qui l'abat. Affligeante et la nausée m'envahit. Je me suis fait belle, belle. belle, belle pour aller les voir. Je remercie toute l'équipe de la gare Saint-Lazare. Vont-ils être tristes? Il faut que je leur parle. Des mutations se sont produites sur ma route. J'ai envie de déverser les flots de mon coming out. Sur la banquette, l'arlequin que je lis m'a fait oublier ma quête. Je n'avais pas vu les gros bras qui me guettent. Font à mon propos des boutades de braguette. Je me suis fait belle, belle, belle pour aller les voir. Je remercie toute l'équipe de la gare Saint-Lazare. Trois hommes impulsifs. De Barbas se saisit de ma personne et de mes doutes et m'ont épargné le chaos de mon coming out. Je me suis fait belle, belle, belle pour aller les voir. Je remercie toute l'équipe de la gare Saint-Lazare. Trois hommes impulsifs au manier de Barbas se saisit de ma personne et de mes doutes. J'aurais dû prévoir qu'il ferait un peu chaud pour mettre des bas noirs et mon long manteau de biche. Ma jupe est étroite et je marche en canard. Je leur dirai plus tard que je suis de droite. Je me suis fait belle, belle, belle pour aller les voir. Belle, belle, belle pour aller les voir. Je me suis fait belle, belle, belle pour aller les voir. Je me suis fait. Je me suis fait. Errance Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89 Hall à Québec, avec Reynald Gagné. On ne saurait passer. Là en ce moment moins, mais par exemple Cosmos que j'écris en octobre pour le mois de novembre ou mois de décembre, ça a été très vite parce que tu avais déjà beaucoup d'idées et ça a descendu. Ouais, j'écris rapidement les choses comme ça. En ce moment je me régale vraiment de d'écrire pour des projets précis, vachement plus agréable, enfin pour moi en ce moment hein. Parce que ça sort un peu des sentiers battus, ça sort de ce que tu fais normalement. Ouais, puis c'est une mission. Alors du coup, c'est pas la même chose que la détente d'écrire pour soi-même. Mais là, il faudrait, mais je me dis aussi à quoi bon, toutes ces chansons, je les chante pas assez. Donc, Et les gens qui veulent te voir, qu'est-ce qui te manifeste le désir de repartir avec la pastille, avec le disque pour l'écouter à la maison ou, Comme j'oublie à chaque fois de les emmener. C'est ridicule, hein. Mais là, par exemple, le livre de chansons que j'ai écrite, qui est édité par la Galerius, là, il est parti... Il est parti comme du petit pain hier soir, tu vois, donc... Et ça fait plaisir. Ouais, c'est super. Ben ouais. Est-ce que ça te... Ça te fascine à chaque fois l'engouement de ton personnage vis-à-vis des publics? Alors, il n'y a pas d'engouement. Ok. Il y a des rencontres. Non, non, je ne soulève pas les foules, je suis en dehors des schémas. Hein. Je ne suis pas mince, je ne suis pas dans la brillance, je ne suis pas dans l'élégance, je ne suis pas dans le raffinement, je suis dans un... Est-ce qu'on peut... un chemin charmant, un chemin de séduction particulier et qu'on ne m'aime pas, ça ne me pose pas de problème. Est-ce qu'on peut parler de burlesque? Non. Il n'est pas drôle du tout. Pour moi, il a un maquillage de clown. Hein. Bah ouais, c'est ça, c'est pour ça que je te parlais de burlesque. Mais plus de clown blanc. Plus de clown blanc. Ok, ouais. Est-ce qu'il se croit son propre jeu? Est-ce qu'il se croit? Non, vraiment, tu parles de clown, mais je crois vraiment infiniment que c'est vraiment un clown blanc, monsieur K. C'est celui qui est pas drôle dans le duo. Est-ce qu'il se croit drôle? Il aime bien les bons mots. Enfin, il aime surtout les mauvais jeux de mots. Ça m'éclate de faire des très mauvais jeux de mots. Et le public Le mauvais goût me plaît beaucoup. Mais c'est comme envoyer des saloperies à la gueule des gens. Mais j'ai toujours l'art d'aller faire une caresse après. Ouais, parce que non, je voulais pas te blesser, ça fait partie du spectacle. Tu dis pas ça, jamais tu t'excuses. Ok. Pour montrer, ça fait partie du spectacle. Tu prends ça fait partie. Ben oui. Je l'ai dit, mais je le retirerai jamais. Et après, tu vas voir les gens, on a rigolé. d'excuse. Oui. Alors vous le dites. Vous le dites. Il a regardé, il vous jouera. Vous voulez quelque chose pour finir? Un petit café? Non, je vais rester sur mon jus de citron. Ok. Merci beaucoup. Et ton personnage, est-ce qu'il t'habite quotidiennement? Est-ce que tu lui parles quand tu marches dans la rue en fait, non? Non. Je suis pas dingue, hein. Non, mais les gens sont tellement pris dans leur personnage quelquefois. Que... Peut-être avant, peut-être ça a dû arriver avant, mais j'en ai pas de souvenir, et comme les choses, elles sont très claires... Non. Aimes-tu son évolution? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il me rend plus fort aussi. En fait, camper le personnage, ce personnage-là, est-ce que ça te fait du bien dans la vie de tous les jours? Est-ce que ça te libère C'est quand même lui en ce moment qui prend plus la lumière que Jérôme. Hein. Ouais. Donc je dirais plutôt le contraire. Ça m'isole plus. Ouais. Dû à son profil psychologique? Non, dû au fait que... Jérôme, des fois, il a pas beaucoup... Jérôme, il fait l'administratif. Ah ouais, il nettoie les culottes. Le travail plus chiant. Voilà. Et lui, il s'amuse. Toi, tu fais le côté chiant et lui, il fait le côté divertissement. Voilà. Et t'as hâte de le retrouver souvent pour dire bah là j'ai... Non mais là j'ai besoin aussi moi de... C'est vraiment un travail que je fais personnellement là en ce moment, de me retrouver moi. Alors tu veux arrêter? Non pas du tout. Non mais c'est trouver l'équilibre, trouver l'équilibre. Parce que là en travaillant beaucoup tu te perds un peu beaucoup. Je me perds jamais. Non. Mais... Mais au début, là, quand tu as commencé à faire ton personnage, est-ce que tu sentais que tu fuyais? Est-ce que tu sentais que... Ah non, c'était une libération pour moi. Ok. Non. Puis tes parents, comment ils ont pris ça? Ah ben mes parents, j'ai jamais laissé le choix. Quand j'étais drag queen, j'étais drag queen, point. Ça fait chier mon père. Ouais, ton père, ouais, comment il a fait chier. Oui, ça l'a fait chier. Je pense même qu'il a été méchant, mais je n'en ai rien à foutre. Ça ne... Tu fais ton chemin, vie, c'est pas la leur. Hein. Comme je déteste la bêtise, je pense pas qu'il lui fallu me chercher des noix. Non. Là où j'étais plus satisfait, c'est le soutien de mes grands-parents qui m'ont vraiment élevé et voilà, qui a toujours été très bienveillant et soutenant sur ça quoi. Mais fier. Oui. J'ai 10 questions et j'ai hâte de voir où ça va mener. Vas-y. Si tu étais un liquide. Un quoi? Un liquide. Un liquide? Je serais du vin rouge. Ah oui? Quel vin? C'est drôle parce que je pense à du vin blanc, tu vois, tout de suite. Okay. Quel vin? Quel cépage? Quel régime? Je serais peut-être un chaos. Ah oui? Bien corsé. Bien corsé. Ah oui. Est-ce que ça te ressemble? Oui. T'es un gars bien corsé. Ouais, je crois. T'as du tonus? Ouais. Et si j'étais un vin blanc, je serais un pouilly fumé. Ah oui? Ouais. Ah ben c'est bien, ouais. Ouais. Aimes-tu prendre des ballons lorsque tu travailles ou... aimes-tu boire lorsque t'es au... Oui, ça m'arrive. Ça exhibe un peu? Quand les journées sont trop longues, qu'il y a le tract, ça permet de descendre un tout petit peu. Oui, c'est ça. Mais je fais toujours attention à ce que ça soit pas une évidence. Non. Quand t'es à Londres, faut faire attention aussi. Si tu étais une ville. Ah, Est-ce que je peux non répondre? Oui. Je ne serai pas paré. Ok. T'es pas allé. Je ne serai pas paré. Si tu étais une langue. Une langue? L'allemand. Ah ben oui. Quel âge je ne pratique pas. Mais que le cabaret amène aussi, hein, l'allemand. C'est tout mon travail. Tout mon travail de cabaret inconsciemment, parce que je n'ai jamais fait exprès d'eux, mais que ce soit Carvalentin ou Courtweil, pour moi, et Brecht, et d'autres choses que j'aime profondément dans la culture allemande, ramènent à l'Allemagne, ça c'est évident. Ouais. Il y a fait quand tu t'as rien. Si tu étais une époque, il y a déjà peut-être une idée, hein. Ce serait sûrement les années 20. Ben oui, c'était très fort. Très fort et horrible. Ouais. Mais je crois que nos années 20 actuelles sont pas très loin de celles des années 20. On y retourne, hein. Ouais, c'est cyclique, malheureusement. Si tu étais un mot, j'allais dire à moi. Mais Il est en fond, hein. Il est en fond parce qu'on est dans une société où il y en a de moins en moins. Si tu étais un animal. Je crois que je serais une forêt noire. Oh. En plus c'est gracieux, hein, quand tu le regardes, c'est quand même... Tout à fait. Je dors dans le lit de la Pompadour. J'ai les cheveux bruns de Lulu. Je danse aussi bien que Salomé, avec mille voiles s'il fallait. Ma tarie, j'ai le toupet, Marie-Antoinette, l'écolier. La belle Hélène, j'ai le corset qu'elle avait quand on l'a enlevé. Je suis le poison des Médicis, comme Jeanne d'Arc, je suis une sorcière. J'ai la beauté de la palterie, parfois même ses mœurs meurtrières. Je suis une vampire, je suis une vampire, moitié femme, moitié liane. J'aime mal les hommes, je les dépèce, j'en fais des fricasses divines. Je suis une vampire, je suis une vampire, de la rose, je suis épine. Qui ta friole et te harponne, oh oui, oh ça oui, je suis la dernière de mon être. Peut-être qu'il faudrait me mettre dans un zoo. J'aime tout ce qui est sauvage et cher. Je collectionne les choses bizarres. J'ai le piano de Klemperer et les bananes de la Becker. Totodix, j'ai un chevalet de Bertolt Brecht, un vieux stylo. Et sur mon mur bien encadré, un baiser de Valentino. J'ai bien quelques objets sans valeur que j'ai rangés dans un placard. La constitution de Weimar, la première moustache de Hitler. Je suis une vampire, je suis une vampire, moitié femme, moitié lion. J'aime mort les hommes, je les dépèce, j'en fais des fricassées divines. Je suis une vampire, je suis une vampire, la rose, je suis l'épine. Qui te harponne, peut-être. Ah oui, oh ça oui, je suis la dernière de mon espèce. Peut-être qu'il faudrait me mettre dans un zoo. Un prince rédige tout mon courrier, un comte est devenu mon valet. Le roi Alphonse, mon palefrenier, me sert aussi de cuisinier. Hier, Grotza fait mon portrait, ça ne m'a pas plu, je l'ai fouetté. Puis Marlène m'a lavé les pieds pendant que Margolion chantait. Demain, Fanstendark va m'appeler. Dans son film, il veut me voir jouer, j'espère qu'il va me supplier. Ou sinon, je vais le manger. Ah, je suis une vampire, je suis une vampire, moitié femme, moitié l'homme. J'aime mal les hommes, je les dépresse, j'en fais des fricassés divines. Je suis une vampe, oh je suis une vampe, de la rose, je suis l'épine. Quitte à frigale et à bonne, oh oui, oh ça oui, je suis la dernière de mon espèce. Peut-être qu'il faudrait me mettre dans un zoo. Si tu étais une saison, je serais le printemps. La Renaissance. Non, je serais le printemps. Je suis le printemps, comme dirait la oui, Belle d'Arc. Oui, bah oui. C'est moi qui suis le printemps. Belle chanson. Est-ce que tu l'as connu parce qu'il non, hélas. Okay. Hélas. Il fréquentait ce quartier. Oui, je sais, je sais. Non, j'ai pas eu cette chance. Mm. Mais j'ai beaucoup d'affection pour ce garçon. Est-ce que tu rencontres beaucoup. Parce que quoi, c'est un artiste blessé, c'est un être. Tu n'as pas vu le documentaire? Non. Il faut que tu le vois. Ah oui, je vais regarder. Celui qui est sorti cet été. Ok. Il faut vraiment que tu le vois. C'est fait par qui Arte? Non. C'est... Comment ça s'appelle? Daniel Darc, une vie, je sais plus quoi. Ok. Mais tu vas trouver. Ah ouais, je vais. Oh, ouais, je l'ai vu à Marseille avec ma copine Jeanne Blanc. Ah ouais, c'est... Tu comprends tout. Ah, ben oui, je pense que c'est un de mes chanteurs préférés. Ah, il faut que tu le regardes. Ah, ouais, ouais, ok. C'est dur, hein? Ouais, ouais, c'est dur. Comme lui. Ouais, ouais, mais c'est âpre. C'est âpre. C'est âpre. C'est âpre. C'est âpre. Il y a un peu de Monsieur K là-dedans, hein? Non. Non? Parce que Daniel Darc qui était toujours comme ça. Moi, je l'ai vu à Montréal dans les en 92. D'accord. Il était avec sa copine. Et c'était difficile. C'était difficile. Sa copine et elle. Et lui. Ouais. On avait des difficultés à savoir si c'était un clochard ou un. Oui, c'est ça. Ou un artiste. Mais il était tellement touchant, tellement. Ah oui, c'est sûr, ouais. C'est sûr. Et un homme blessé, il était blessé. C'était... Tu vas voir le documentaire, résout toutes les questions. Ah, il est magnifique. Ah, j'adore. Si tu étais une saison, on l'a dit, si tu étais un membre corporel. Ce serait un doigt. Pour pointer. Ouais. Un doigt pour titiller. Un doigt pour remettre le rouge à lèvres. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Pour faire tomber le. Exactement. Tu étais un moment de la journée. Je serais le 5 à 7. L'apéro? Ouais. C'est toujours jouissif, hein? C'est toujours j'adore. Intéressant. Ça pétille, c'est la journée qui termine. J'adore. C'est la soirée. On entre dans la soirée. J'adore. Mais j'adore aussi le petit matin très tôt, quand le soleil se lève et qu'il n'y a personne. J'adore ça aussi. Ouais. Ça, c'est l'heure où tu rentres à la maison? Non, jamais. Non. Ça m'arrive rarement. Hein. Physiquement, je peux pas. Peut-être qu'étant plus jeune, c'est ce qui arrivait. Non, je ne pouvais pas. Okay. Je sais pourquoi après, mais c'est autre chose. Si tu étais un autre individu. Un quoi? Un autre individu. Quand je te donne un nom? Ben... Non, je crois que j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Ça te suffit? Tu te suffis à toi-même? J'ai même pas envie de que quelqu'un d'autre devienne moi, donc c'est déjà assez lourd. À choisir parce que tu fais la même. À choisir parce que tu fais le même chemin. Je ferai plus attention. Je suivrai le même chemin, mais je ferai plus attention. Attention à quoi? J'irai plus vite. Ok, ah oui? Ouais. Mais là, ces temps-ci, ça va vite, là. En ce moment, ça va vite, ouais. Je m'étais fixé, hein. Aimes-tu ça? Hein. Aimes-tu cette, ce boulevard qui ne s'arrête jamais? Non, j'adore l'enthousiasme qu'il y a autour de ça. Ça, c'est la quoi, joie, ça? La joie des rencontres. Ça, c'est Monsieur K? Non, c'est moi. La okay. Joie des, vraiment la joie des rencontres. Okay. Être heureux. De être pleinement heureux de ce qui se passe. Je crois pas. Enfin, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas. J'ai pas une. les gens sont heureux de ce qui se passe pour eux, enfin, de ce que je propose, alors c'est très bien. Je suis au service. Hein. Est-ce que tu as une petite idée de ce que va devenir M. Cole, ou si tu laisses l'avenir sans trop réfléchir, faire les choses? Je ne sais pas, parce que là, moi, je bosse en tant que Jérôme sur d'autres choses. Oui. Et que je continue à garder le cabaret, donc en fait, on est nos deux, on va se nourrir actuellement. Mais il va peut-être prendre moins de place dans ma vie, oui, ça c'est sûr. Ah oui, tu vois le... Non, mais il va être... Comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai besoin aussi de me retrouver aussi un peu. Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui risquent de se pointer dans les années? Non. L'effet semaine Arthur, ça ne me plaît pas. Non. C'est définitif. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter dans l'avenir? De l'amour. Dans tout? L'amour et de la joie. C'est un peu la locomotive de la vie. Je crois. Mais il faut savoir donner et recevoir. Oui, c'est ça. Étant jeune, est-ce que tu avais des difficultés avec ça? Oui, bien sûr. Les années aident un peu à... Chacun son parcours, hein. J'ai pas été plus malheureux que d'autres. Hein. Après, c'est toujours la place de l'amour dans le travail. C'est toujours la place que le travail prend dans une relation avec quelqu'un. Ou l'image qu'on peut donner et qui est difficile à porter pour l'autre, quoi. Barbara avait résolu cette histoire en disant c'est fini les histoires d'amour, ouais. Ça comme travail. Effectivement. Oh, maintenant je suis moins. Je pense que je vais être moins. Comment dire. Tolérant face à l'intolérance. Ah oui, ok. Es-tu plus sélectif qu'avant? Non, j'ai l'impression de faire ma crise d'adolescence. Ok, comme moi. Et ça fait du bien? Ça fait classe. Ouais. Quand on a juste une vie à vivre, il faut... Ça fait classe. Ouais. Est-ce que ça t'arrive souvent de réfléchir sur le parcours que tu as franchi depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Si t'es pas encore au bilan ou... Quand on me pose des questions sur... Comme toi, quand on me pose des questions sur le... Sur mon parcours, sur mon travail, oui, forcément. Tu te dis que... Il y a des choses qui avancent bien. L'idée, c'est pas de reculer. Hein. Non, c'est d'avancer. Des fois, tête baissée. Pas tête baissée, avec un regard bien fixe sur l'horizon. Ok. Ouais. Mais tu sais de plus en plus que tu veux. Non. Non. Vous prenez pas les ventes. Non, parce que j'ai envie de challenge, quoi. Des expériences, des projets. Ouais, des projets, des expériences. Est-ce que tu peux mettre... Là, tu me dis que tu as beaucoup de travail. Est-ce que ça t'arrive de mettre beaucoup de projets de côté? Je peux pas faire ça parce que je suis déjà occupé à... Non. Bon, pour l'instant, j'arrive à tout mettre. Mais l'épuisement, est-ce que tu sens des fois que... Ah bah oui, il est permanent. Mais sur scène, t'oublies tout, il n'y a plus rien. Sur scène, tu peux pas te permettre. Tu peux pas mentir. T'as pas le droit. Tu peux pas te faire l'erreur. Non, t'as pas le droit de mettre ta vie personnelle sur scène, c'est pas possible. L'artiste qui fait ça, il n'a rien compris, hein. Les gens n'ont pas envie de voir ça. Hein. Est-ce que c'est difficile pour un artiste d'avoir une vie privée, une vie solitaire? Ah oui, ça c'est trop compliqué. Moi, je n'ai toujours pas compris comment faire. Donc oui, c'est très compliqué. C'est indispensable. Ouais. Mais t'es pas encore rendu là puisque... C'est indispensable. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris quelques temps pour croiser mon micro. Et puis, on va te suivre de près. Et puis, comme je le dis souvent, on termine toujours avec ça, à la voyure. À la voyure. Et j'espère d'entendre tes chansons. J'espère que tu vas m'en envoyer pour que je puisse les diffuser. Ouais.